إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بفضل الله سبحانه وتعالى، à partir de ce jour, inshallah, on va essayer de reprendre cette série de cours qui a été interrompue suite aux événements qui ont lieu à Sanaa, qui font que je n'ai plus accès au net pour pouvoir redonner des cours en direct, comme on le faisait auparavant. Et Yanni, j'étais bien déterminé, bifadlillahi ta'ala wa bi'izni, à terminer ce livre, l'étude de ce livre, comme on a dit, un char qui est simplifié de Al-Mabadi al-Mufida, avec quelques ta'liqas de notre cher Abdelrakib al-Kokabani, hafizahullahu ta'ala. Donc là, on va reprendre à partir de l'on s'est arrêté, la 35e question. فقال شيخنا حفظه الله تعالى يحيى بن علي الحجولي فإذا قيل لك ماذا تعتقد في البعث والوقوف والحساب وأخذ الكتاب فقل أعتقد أنه حق والدليل قول الله تعالى زعم الذين كفروا ولن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقوله تعالى فتول عنهم يوم يدعو داعي لشيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Donc là, la traduction qu'on avait expliquée également, qui était celle de notre frère Abu Mu'adh Ayyub al-Faransi, hafizahullah ta'ala, directement pris de son livre, où l'auteur dit, si on te demande, que crois-tu au sujet de la résurrection, du stationnement des comptes et de la prise des livres ? Dit, je crois fermement que c'est la vérité. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit, ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seraient pas ressuscités. Dit, mais si par mon Seigneur, vous serez bel et bien ressuscité, puis vous serez informé de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Et sa parole, dans le sens où il dit, détourne-toi donc d'eux. Le jour où l'appeleur appellera une chose affreuse, des regards craintifs, ils sortiront des tombes, telles des sauterelles éparpillées. Pressant vers l'appeleur, les mécréants diront, voilà donc un jour difficile. Et sa parole dans le sens où il dit, quant à celui à qui sera donné son livre dans la main droite, il lui sera fait un compte facile et retournera heureux vers sa famille. Et quant à celui qui sera donné son livre de derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans une fournaise. Et sa parole dans le sens, le jour où nous appellerons tous les gens par leur guide, celui à qui sera donné son livre dans sa main droite, ceux-là liront leur livre et ne subiront pas la moindre injustice. Et celui qui aurait été yani ici-bas dans la dunya aveugle, il sera dans l'au-delà aveugle et plus égaré encore. Yani aveugle, min hayth, par rapport à la guidée, et non pas l'aveugle en soi, celui qui n'a pas de, qui ne peut pas voir. Naam. Donc là, ces hadiths sont venus pour nous démontrer que les êtres humains seront, après la mort, seront ressuscités. Et cela pourquoi ? Dans le but à ce qu'ils rendent des comptes de tout ce qu'ils auront accompli dans leur vivant, en ce bas monde. Car on le sait tous, nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le but de notre création. Nous n'avons pas été créés en vain. Donc de là, les comptes sont rendus. Est-ce que les gens qui ont été sur terre ont rempli la fonction pour laquelle ils ont été créés ? Non. Est-ce qu'ils ont appliqué les obligations qui leur ont été imposées ? Est-ce qu'ils ont évité les interdits qui leur ont été défendus ? Waray les alika. Donc tout d'abord, le musulman, lui, il a la ferme croyance que Allah subhanahu wa ta'ala est tout à fait capable de ressusciter. D'accord ? Que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de redonner la vie après la mort. Et même les gens du livre, c'est une chose qu'ils ont comme pour croyance. Là-dessus, il y a ijma entre nous, par rapport à ça, que Allah redonne la vie après la mort. Et tous ces versets sont venus le démontrer, que nous venons de citer à l'instant. Et également dans le Coran, des exemples où Allah subhanahu wa ta'ala redonne la vie après la mort. Cheikh Al-Uthaymeen, dans son livre Sharh Usul al-Sunnah, que nous avons, alhamdoulilah, diffusé déjà sur le site, cite justement, par exemple, dans Sourate Al-Baqarah, 5 faits dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui-même qu'il a redonné la vie après la mort. Il y avait tout d'abord l'exemple de cet homme qui est passé près d'une contrée qui était détruite avec son âne et qui a dit أَنَّ يُحِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَآمَتَ اللَّهُ مِيَتَ عَامًا ثُمَّ بَعَثَ. Cet homme qui passa près d'une contrée en destruction et dit comment est-ce que Allah peut redonner la vie à cette cité. Donc Allah le fit mourir, puis le ressuscita, et cela au bout d'un siècle. Il y a également l'histoire de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il dit إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Al-Aya, lorsque Ibrahim a dit au Seigneur, montre-moi comment tu redonnes la vie. Il dit quoi? Tu ne crois pas? Il dit si, cependant, pour que mon cœur se rassure. Donc de là, il lui dit de prendre des oiseaux, de les couper en morceaux, et puis de les appeler, de les disperser sur différentes montagnes, de les appeler qui reviendront entiers. Chose qui s'est faite. Également l'histoire de cet homme qui a été tué au milieu des Bani Israël, au sujet duquel ils divergèrent que personne ne voulait admettre qui était le meurtrier. Donc de là, dans le Coran, Allah leur a dit, c'était à l'époque de Moussa et Salem, il leur fut révélé de devoir tuer une vache et d'en prendre une partie et de frapper le mort avec. Et celui-ci reprit la vie et indiqua qui était son meurtrier. Dans Sourate Al-Baqarah. Également, l'histoire de ceux qui sont sortis de chez eux en étant des milliers par peur de la mort. Comme Allah Ta'ala, « Alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. » Hein, ceux qui sont sortis de leur maison, par milliers, par peur de la mort. Alors Allah leur dit, mourez, puis il les ressuscita. Donc là dans ce verset également, Allah nous indique qu'il peut redonner la vie après la mort. Aussi, dans l'histoire du peuple de Moussa, alayhi salam, lorsqu'ils lui ont dit, nous ne croirons pas en Allah tant que nous ne le verrons pas clairement. Mazakallah ta'ala, wa idh qultum ya Moussa, لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Lorsque vous disiez, ô Moussa, nous ne croirons pas en toi tant que nous ne verrons pas Allah clairement. Vous furent saisis par la foudre, alors que vous regardiez. Ensuite, nous avons ressuscité après la mort, afin que vous remerciez. Donc ces versets démontrent clairement que Allah subhanahu wa ta'ala est tout à fait capable de redonner la vie après la mort. Et min asma'ihi al-qadir, yani al-qudra at-tam, celui qui est, comme on dit, l'omnipotent, qui est capable de toute chose. Fahadha minhu. Et on sait qu'également, la raison l'accepte que celui qui a tout créé est tout à fait en mesure de faire disparaître ce qu'il a créé et de le remettre. Kullu zalika 'ala Allah yasir. Tout cela est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous avons, certes, fait la première création, nous pouvons la recommencer. Et cela nous est tout à fait possible, dans le sens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, tout ce qu'ils contiennent, qui sont une création bien plus immense et bien plus grande que celle de l'homme, est tout à fait en mesure de pouvoir donner la vie à l'homme, après qu'il l'ait fait mourir. Naam. Donc comme nous l'avons dit, la sagesse en cela, c'est que cela, celui qui a pour croyance qu'il sera ressuscité après la mort, cela l'emmène justement à se tenir droit en ce bas monde, d'accomplir ses obligations, de craindre son Seigneur, car il sait qu'il sera interrogé sur ses faits. Moindre fait et geste, moindre parole, tout cela, toute injustice qu'il aura commise, lui sera démontré. Celui qui fera même le moindre grain de moutarde de bien le verra, et celui qui en a fait autant pour le mal le verra. Rien ne sera oublié. Et si Allah ne se prend en temps là, ne venait pas pour nous rendre les comptes, notre existence en ce bas monde n'aurait aucun sens. Et ça aurait été, on va dire, le bazar total. Car chacun ferait ce que serait, comment les koufars appellent ça? L'anarchie. Autant spirituelle que physique. كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Pensez-vous que nous avions créé en vain et que nous n'allons pas revenir vers nous? Donc le abd, tout être humain sera ramené à la vie après sa mort et sera jugé. Et des comptes lui seront remis. À part certaines personnes parmi les croyants qui font exception à cela, et là n'est pas le sujet. Awalen, parmi les fawaïd que le shir y donne également, Cheikh Abd al-Raqib, il dit qui ou quelle est la première chose sur laquelle le serviteur rendra des comptes. Et il dit premièrement, en ce qui concerne les droits d'Allah, la salat. Parmi les premières choses, ou la première chose par laquelle, sur laquelle le abd sera interrogé, sa salat. Comme a déjà fait le hadith, awala ma yuhasab bihi al-abdu yawm al-qiyamati fi 'amalihi salatuhu. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurayra. Authentifié par l'Albani, que la première chose par laquelle le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection, parmi ses œuvres, sa salat, apportée par Abu Huraira. Et en ce qui concerne les droits des humains, les sangs, les vies, d'accord, par rapport à la vie, si la vie, il a tué des gens. Dans le hadith de Ibn Mas'ud, dans le Sahihain, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'a alayhi awal ma yuqda bin al-nas fit dima. La première chose qu'il y aura comme compte entre les gens, sont le sang, c'est-à-dire les vies, qui a tué qui, et pour quelle raison et de quelle façon. Également, parmi les questions qu'on pourrait se poser, man awwal man yuhasab min al-umam, quelle est la première communauté qui sera interrogée? Et bien évidemment, il s'agit de la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est venu dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, dans le Sahihain. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضى بينهم قبل الخلائق. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit nous sommes les derniers, c'est-à-dire la dernière communauté qui a été envoyée, et les premiers le jour de la résurrection. C'est-à-dire entre qui sera jugé, et également les premiers à entrer au Jannah. Et également, نعم, un autre hadith apporté par Ibn Majah selon Ibn Abbas رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. Que le prophète صلى الله عليه وسلم m'a dit nous sommes la dernière des communautés et la première qui rendra des comptes. Et autre question qui peut se poser parmi celles que le shir a exposé, سهل هل الأنبياء محاسبون يوم القيامة. Est-ce que également les prophètes rendront des comptes le jour de la résurrection? يعني ils rendront des comptes en guise d'affirmation, en fait, qui confirmeront ce qui leur sera dit. En guise de confirmation et d'approbation à propos des communautés, du fait qu'ils auront bien retransmis le message. Ils viendront rendre des comptes pour démontrer qu'ils ont bien retransmis le message, pour démontrer de qui les aura suivis et qui sera opposé à eux. Nous allons certes interroger ceux à qui nous avons envoyé les messagers, et nous allons certes interroger les messagers eux-mêmes. Et parmi les preuves que le messager rendra des comptes par rapport à cela, dans le hadith rapporté par Aïcha, déjà cité auparavant par l'imam Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahumma hasibni hisaban yasira ». Il a dit « Oh mon Seigneur, accorde-moi de rendre des comptes facilement ». Et le hadith a été rendu bon par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Le croyant a pour croyance qu'il sera ressuscité après sa mort. Lui, ainsi que tous les autres êtres vivants, parmi les humains et les djinns, yani parmi les mukallafines, et qu'ils leur donneront des comptes. Et même les créatures également, il y aura les animaux aussi également, il y aura entre eux des comptes, comme par exemple comme cela est dans des hadiths, que la bête cornée rendra des comptes pour avoir frappé celle qui ne l'est pas. Il y aura les alikars. Cependant, eux, à la fin, ils seront mis en poussière. Il n'y a pas de Jannah ni de Nar pour les animaux. Pas de paradis ni d'enfer pour les animaux. Ils seront mis en poussière. Cela est juste pour les mukallafines qui sont les hommes les djinns. يقول المؤلف حفظه الله تعالى هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ فقل نعم يرونه على عرصات القيامة في الجنة والدليل قول الله تعالى وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناذرة. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة. وأخرج مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. والكفار لا يرون الله عز وجل يوم القيامة والدليل قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Traduction qui est, si on te demande est-ce que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection, dis oui, ils le verront dans les cours de la résurrection, c'est-à-dire le lieu où ils seront rassemblés, et au paradis. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit des visages ce jour-là rayonnant vers leur Seigneur regardant. Et dans les deux sahih, selon Jarir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection. Et Muslim, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte par la voix de Hamad ibn Salama, qui rapporte d'après Thabit, selon Abdurrahman ibn Abi Layla, d'après Suhaib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on fera rentrer les gens du paradis au paradis, Allah dira, vous voulez que je vous ajoute quelque chose? Ils diront, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait rentrer au paradis et sauver du feu? Alors il ôtera le voile. Et ne leur aura rien été donné qu'ils aimeront plus que de regarder leur Seigneur. Par contre, les mécréants et les koufars ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit, mais non, ils seront ce jour-là voilés de leur Seigneur. Donc là, il s'agit de la mas'ala qui est Ru'yatullah yawm al-qiyama, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama. Et plusieurs ahadiths sont venus. L'auteur, pour résumer, n'en a cité que certains. Car il y a beaucoup d'ahadiths qui viennent démontrer cela. Et min hadil ahadith, parmi ses preuves, parmi ses ahadiths, dans Sahihain, celui d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل أنت الحق ولقاؤك حق ووعدك حق. Que lors de sa salat de nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu es la vérité, ta rencontre est vérité et ta promesse est vérité. Cheikh Abdul Raqib rapporta que de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qu'il dit dans son livre في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قال أجمع أهل اللسان أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة ورؤية. Que Ibn al-Qayyim, il a dit que les gens de la langue arabe sont unanimes que le terme liqa, qui veut dire rencontre, lorsqu'il est attribué à une personne qui est vivante et qui est clairvoyante, c'est-à-dire qui n'est pas aveugle, cela inclut une rencontre, c'est-à-dire physique, et la vision. En langue arabe, lorsque je vais rencontrer Foulen ou un tel, ça veut dire que tu vas le rencontrer physiquement et que tu vas le voir. Azahu. Donc cette vision sera faite ou sera accordée aux croyants au Jannah. Ils verront leur Seigneur, comme le démontrent les preuves stipulées précédemment. Et c'est la meilleure des choses qu'ils auront. Et également, ils le verront fi arasat al-qiyama, lors du lieu de rassemblement des hommes. Et là, un khilaf est venu par rapport aux kuffar, les mécréants. En réalité, est-ce qu'ils le verront ou est-ce qu'ils ne le verront pas? Et dans cet avis, il y a trois paroles, sans vouloir trop s'attarder sur le sujet. Et le shir, lui, Abdul Raqib, il voit que la parole la plus prépondérante, c'est que ils le verront, c'est-à-dire ru'yat ta'rif wa ta'zib li'azzam al-karb wa yashtadd al-khatab, Al-Khitab, wa hadha wa qul l'imam Ahmed. Que lui voit que les kuffars verront Allah fi ghrasat al-qiyamah, mais cette vision sera une vision de châtiment et de frayeur et de reconnaissance, c'est-à-dire pour qu'ils reconnaissent la chose et également en guise de réprimande, c'est-à-dire le verront de façon qui les horrifiera et non pas qui les réjouira comme sera le cas des musulmans fil jannah. Cela ajoutera encore plus de douleur à leur épreuve. Et cet avis, c'est l'avis de l'imam Ahmed également. C'est aussi également l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmallahu ta'ala. Comme il dit dans le Fatawa, Majmou al-Fatawa, Nam, Ruyat bil Absar yal al-Mu'minin fil Jannah, wa ya'aydan al-Nas fi gharasat al-Qiyamah. Et c'est l'avis également choisi par al-Harrad dans son char de Al-Wasatiyah. Que Cheikh al-Islam, il dit qu'en effet, la vision d'Allah sera faite par les yeux pour les croyants au paradis, mais également par tous les gens dans les lieux de rassemblement le jour de la résurrection. Donc, Cheikh l'Islam voit également que les kuffars verront Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne le verront pas de façon... Ils le verront sous sa vraie apparence, mais après, le comment, pour que la différence soit faite par rapport aux musulmans, Allahu a'lam bihi. Allahu a'lam bihi. Cheikh l'Islam également, pour conclure, il dit dans Majmou al-Fatawa, والذي عليه جمهور السلف أن من جهد رؤية الله تعالى في الدار الآخرة فهو كافر فإن كان ممن لم يبلغ العلم في ذلك غرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. Que Cheikh l'Islam, il dit dans son Majmou que l'avis de la plupart des savants, c'est que celui qui renie cette vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, Yawm al-Qiyama ou Jannah, qu'il est mécréant pour cela. Par contre, s'il est de ceux dont l'argument n'a pas été exposé, c'est-à-dire il n'a pas connu la preuve, il peut être excusé par son ignorance. Car parmi les choses qui empêchent justement qu'un jugement ne soit établi sur une personne, l'ignorance, dans beaucoup de cas. Comme celui-ci. Par contre, si jamais les preuves lui sont exposées et que par la suite il persiste sur sa position, alors là il s'en rendu mécréant, dans l'avis de la plupart des salafs. Et là c'est une nocta à citer qui est « Fibab ikamat al-hujja » dans le fait de démontrer les preuves. « Yuqal annahu ou annaha la qismain » de deux catégories. Le fait d'exposer l'argument à une personne pour qu'un jugement soit établi, cela se fait sous deux choses. Fihi al-bulur. Man yakun lahu kafiyan yani al-bulur. Wa minhu al-bayan. Man yahtaju illa an yubayyan lahu hatta yattadih lahu al-amr. Que yani il y a le bulur, c'est le fait que la chose soit parvenue, comme par exemple dans beaucoup de masail. Pour ceux qui parlent l'arabe, le Coran contient des masa'il wadiha, clairs, que toute personne qui parle l'arabe comprend. Donc là, on va dire que l'argument lui est parvenu. Kafikullah azawajal, wa'budullaha, wa la tushriku bi shay'a. Adorez Allah et ne lui associez rien. Le verset, il est wadih, il est clair. Que le shirk, de façon générale, il est interdit, que l'adoration est obligatoire. Donc personne ne peut dire, je ne savais pas que je devais adorer Allah. Si le Coran lui est parvenu. Il ne pourra pas dire ça. Ou s'il fait du shirk, qu'on lui demande ce qu'il fait, c'est du shirk, et qu'il continue, il ne pourra pas dire, je ne sais pas. Ou, wala taqrabu zina, n'approchez pas la fornication. C'est un verset, il est clair. Celui qui parle arabe, il l'entend, il comprend tout de suite. Et el bayen, c'est que des fois le boulot ne suffit pas. Il y a des masael qui sont plus dures, et plus précises, et plus subtiles, qui, elles, demandent un éclaircissement. Car la chose n'est pas, en soi, claire. Les masaïl et les khafiyya. Donc là, ça demande que la chose soit éclaircie à la personne. Mais quand on dit éclaircie, c'est un éclaircissement qui est valable. Car des fois, tu as des gens qui disent « je ne comprends pas » parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Donc si l'éclaircissement a été fait, on ne demande pas que, yani, la chose, que la personne te dise « oui, c'est clair pour moi maintenant ». Non, si les choses ont été démontrées clairement et qu'après persiste, on dira je lui ai clarifié, il n'a pas voulu écouter. Et lui ne pourra pas dire ah, je n'ai pas compris. Car il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Ils s'obstinent et ne veulent pas comprendre. Donc de là, si le bien a été fait comme il se doit, et cela revient aux règles et non pas à la personne à qui tu éclaircis la chose, alors cela démontre que la preuve lui est parvenue, et à partir de là, le jugement s'établit sur la personne, en fonction de la mas'ala. Naam. Donc là, c'était les deux mas'ala qu'on a pris dans ce ders, qui étaient le fait de croire en la résurrection après la mort, et également le fait de mas'alat al-ru'ya, le fait de voir Allah, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi ghuras al-qiyama wa fil jannah lil mu'minin. فبيد القدر نكتفي ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك